Le Conseil des ministres, qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État à 14h30, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi Croissance et Activité, conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire. Alors vous avez bien compris le mécanisme du 49-3, la loi est considérée comme adoptée, ce qui est quand même incroyable, il y a la 5e République quand tout pareil est possible, si personne ne renverse le gouvernement. 40. Merci, monsieur le Premier ministre. 40. Ouais, il y a des députés qui sont contre la loi, ils ont des bonnes raisons, mais ils vont se chier dessus. Ils vont pas oser dire non à notre gouvernement, ils vont quand même revenir à la niche comme des caniches. 40. On vaut mieux qu'une sodomie. Merci, monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 16h30 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. La séance est suspendue.